La mort de Sinfjötl. Sigmund Völsungsson était un roi de Franconie et Sinfjötl son fils aîné. Le second de ses fils se nommait Helg et le troisième Hundr. Borghild, femme de Sigmund, avait un frère appelé Gunnar, mais Sinfjötl, son beau-fils, et Gunnar ayant adressé une demande de mariage à la même femme, Sinfjötl tua Gunnar. Lorsqu'il revint au logis, Borghild le pria de s'en aller. Sinfjötl lui offrit une somme d'argent comme indemnité pour la mort de Gunnar. Elle fut obligée de l'accepter. Lors du festin des funérailles, Borghild servait la bière forte aux convives. Elle prit une coupe remplie de venin et la porta à Sinfjötl. Mais celui-ci, en regardant ce breuvage, remarqua que la coupe contenait du poison et il dit à Sigmund « Cette boisson est trouble ». Sigmund prit la coupe et but ce qu'elle contenait. On dit que ce roi avait été rendu invulnérable à toute espèce de venin à l'intérieur et à l'extérieur. Ses fils résistaient également au venin, excepté quand il était répandu extérieurement sur leur peau. Borghild apporta une autre coupe devant Sinfjötl en l'invitant à boire, et tout se passa comme précédemment. Elle lui présenta cette coupe une troisième fois, mais en lui adressant des injures. Sinfjötl parla encore à son père, et Sigmund répondit « Eh bien, mon fils, que ta barbe te serve de tamis !» Sinfjötl but et mourut. Sigmund le porta fort loin sur ses bras et arriva près d'une baie étroite et profonde. Il se trouvait là un petit navire monté par un seul homme. Il proposa à Sigmund de le porter sur l'autre bord. Mais lorsque Sigmund eut déposé le cadavre dans le navire, celui-ci se trouva suffisamment chargé et son conducteur engagea Sigmund à faire le tour de la baie. Aussitôt, cet homme poussa au large et disparut. Le roi Sigmund avait séjourné longtemps en Danemark, royaume appartenant à Borghild, mais il s'en alla ensuite au sud, dans la Franconie, son royaume à lui. Alors il obtint Hjördis, fille d'Eilim. Leur fils fut Sigurd. Le roi Sigmund succomba dans sa guerre contre les fils de Hunding, et Hjördis épousa Alf, fils de Jalprek. Sigurd passa son enfance avec eux. Sigmund et tous ses fils surpassaient de beaucoup le reste des hommes sous le rapport de la force, de la taille, du courage et de l'intelligence. Mais Sigurd fut le plus remarquable d'entre eux, et toutes les antiques sagas le citent comme un très grand guerrier.